Chapitre 3. Comment je continuai ma route. Et il arrêta son pauvre mulet, qui me parut charmé que j'eusse fait cette question. En même temps, il souleva la toile cirée de sa petite charrette, comme pour arranger la paille qui la remplissait presque, et je vis quelque chose de bien douloureux. Je vis deux yeux bleus, démesurés de grandeur, admirables de forme, sortant d'une tête pâle, amaigrie et longue, inondée de cheveux blonds tout plats. Je ne vis en vérité que ces deux yeux, qui étaient tout dans cette pauvre femme, car le reste était mort. Son front était rouge, ses joues creuses et blanches avaient des pommettes bleuâtres, elle était accroupie au milieu de la paille, si bien qu'on en voyait à peine sortir ses deux genoux, sur lesquels elle jouait au domino toute seule. Elle nous regarda un moment, trembla longtemps, me sourit un peu et se remit à jouer. Il me parut qu'elle s'appliquait à comprendre comment sa main droite battrait sa main gauche. « Voyez-vous, il y a un mois qu'elle joue cette partie-là, » me dit le chef de bataillon. « Demain, ça sera peut-être un autre jeu qui durera longtemps. C'est drôle, hein ?» En même temps, il se mit à replacer la toile cirée de son shako que la pluie avait un peu dérangé. « Pauvre Laurette, » dis-je, « tu as perdu pour toujours, va. » J'approchai mon cheval de la charrette et je lui tendis la main. Elle me donna la sienne machinalement et en souriant avec beaucoup de douceur. Je remarquai avec étonnement qu'elle avait à ses longs doigts deux bagues de diamants. Je pensai que c'étaient encore les bagues de sa mère, et je me demandais comment la misère les avait laissées là. Pour un monde entier, je n'en aurais pas fait l'observation au vieux commandant, mais comme il me suivait des yeux et voyait les miens arrêtés sur les doigts de l'or, il me dit avec un certain orgueil « Ce sont d'assez gros diamants, n'est-ce pas ? Ils pourraient avoir leur prix dans l'occasion, mais je n'ai pas voulu qu'elle s'en séparât, la pauvre enfant. » Quand on y touche, elle pleure, elle ne les quitte pas. Du reste, elle ne se plaint jamais. Et elle peut coudre de temps en temps. J'ai tenu parole à son pauvre petit mari, et en vérité, je ne m'en repens pas. Je ne l'ai jamais quittée. Et j'ai dit partout que c'était ma fille qui était folle. On a respecté ça. À l'armée, tout s'arrange mieux qu'on ne le croit à Paris. Allez. Elle a fait toutes les guerres de l'empereur avec moi, et je l'ai toujours tirée d'affaire. Je la tenais toujours chaudement. Avec de la paille et une petite voiture, ce n'est jamais impossible. Elle avait une tenue assez soignée, et moi, étant chef de bataillon, avec une bonne paye, ma pension de la Légion d'honneur et le mois Napoléon, dont la somme était double, dans le temps, j'étais tout à fait au courant de mon affaire, et elle ne me gênait pas. Au contraire, ses enfantillages faisaient rire quelquefois les officiers du 7e léger. Alors il s'approcha d'elle et lui frappa sur l'épaule, comme il le fait à son petit mulet. « Eh bien, ma fille, dis donc, parle donc un peu au lieutenant qu'elle a. Voyons, un petit signe de tête. » Elle se remit à ses dominos. « Oh, dit-il, c'est qu'elle est un peu farouche aujourd'hui, parce qu'il pleut. Cependant, elle ne s'enrhume jamais. Les fous, ça n'est jamais malade, c'est commode de ce côté-là. À la Bérésina et dans toute la retraite de Moscou, elle allait nu-tête. « Allons, ma fille, joue toujours, va, ne t'inquiète pas de nous. Fais ta volonté, va, Laurette. » Elle lui prit la main qu'il appuyait sur son épaule, une grosse main noire et ridée. Elle la porta timidement à ses lèvres et la baisa comme une pauvre esclave. Je me sentis le cœur serré par ce baiser et je tournai bride violemment. « Voulons-nous continuer notre marche, commandant ? » lui dis-je. « La nuit viendra avant que nous soyons à Béthune. » Le commandant racla soigneusement avec le bout de son sabre la boue jaune qui chargeait ses bottes. Ensuite, il monta sur le marchepied de la charrette, ramena sur la tête de l'or le capuchon de drap d'un petit manteau qu'elle avait. Il ôta sa cravate de soie noire et la mit autour du cou de sa fille adoptive. Après quoi il donna le coup de pied au mulet, fit son mouvement d'épaule et dit « En route, mauvaise troupe !» Et nous repartîmes. La pluie tombait toujours tristement. Le ciel gris et la terre grise s'étendaient sans fin. Une sorte de lumière terne, un pâle soleil, tout mouillé, s'abaissait derrière de grands moulins, qui ne tournait pas. Nous retombâmes dans un grand silence. Je regardais mon vieux commandant. Il marchait à grands pas avec une vigueur toujours soutenue, tandis que son mulet n'en pouvait plus et que mon cheval même commençait à baisser la tête. Ce brave homme ôtait de temps à autre son shako pour essuyer son front chauve et quelques cheveux gris de sa tête, ou ses gros sourcils, ou ses moustaches blanches, d'où tombait la pluie. Il ne s'inquiétait pas de l'effet qu'avait pu faire sur moi son récit. Il ne s'était fait ni meilleur ni plus mauvais qu'il n'était. Il n'avait pas daigné se dessiner. Il ne pensait pas à lui-même, et au bout d'un quart d'heure, il entama sur le même ton une histoire bien plus longue sur une campagne du maréchal Masséna, où il avait formé son bataillon en carré contre je ne sais quelle cavalerie. Je ne l'écoutais pas, quoiqu'il s'échauffât pour me démontrer la supériorité du fantassin sur le cavalier. La nuit vint, nous n'allions pas vite. La boue devenait plus épaisse et plus profonde. Rien sur la route et rien au bout. Nous nous arrêtâmes au pied d'un arbre mort, le seul arbre du chemin. Il donna d'abord ses soins à son mulet, comme moi à mon cheval. Ensuite, il regarda dans la charrette, comme une mère dans le berceau de son enfant. Je l'entendais qui disait « Allons, ma fille, mets cette redingote sur tes pieds et tâche de dormir. »« Allons, c'est bien, elle n'a pas une goutte de pluie. » « Ah, diable, elle a cassé ma montre que je lui avais laissée au cou. Oh, ma pauvre montre d'argent !»« Allons, c'est égal. Mon enfant tâche de dormir. Voilà le beau temps qui va venir bientôt. »« C'est drôle, elle a toujours la fièvre. Les folles sont comme ça. Tiens, voilà du chocolat pour toi, mon enfant. » Il appuya la charrette à l'arbre, et nous nous assîmes sous les roues à l'abri de l'éternel ondée, partageant un petit pain à lui et un à moi, mauvais souper. « Je suis fâché que nous n'ayons que ça, » dit-il, « mais ça vaut mieux que du cheval cuit sous la cendre avec de la poudre dessus, en manière de sel, comme on en mangeait en Russie. « La pauvre petite femme, il faut bien que je lui donne ce que j'ai de mieux. « Vous voyez que je la mets toujours à part. Elle ne peut pas souffrir le voisinage d'un homme depuis l'affaire de la lettre. Je suis vieux, et elle a l'air de croire que je suis son père. Malgré cela, elle m'étranglerait si je voulais l'embrasser seulement sur le front. » L'éducation leur laisse toujours quelque chose, à ce qu'il paraît, car je ne l'ai jamais vu oublier de se cacher comme une religieuse. C'est drôle, hein ? Comme il parlait de cette manière, nous l'entendîmes soupirer et dire « Ôtez ce plan, ôtez-moi ce plan. » Je me levai. Il me fit rasseoir. « Restez, restez, me dit-il, ce n'est rien. » Elle dit ça toute sa vie, parce qu'elle croit toujours sentir une balle dans sa tête. Ça ne l'empêche pas de faire tout ce qu'on lui dit, et cela avec beaucoup de douceur. Je me tus en l'écoutant avec tristesse. Je me mis à calculer que de 1797 à 1815, où nous étions, 18 années, s'étaient ainsi passées pour cet homme. Je demeurai longtemps en silence à côté de lui, cherchant à me rendre compte de ce caractère et de cette destinée. Ensuite, à propos de rien, je lui donnai une poignée de main pleine d'enthousiasme. Il en fut étonné. « Vous êtes un digne homme, » lui dis-je. Il me répondit « Et pourquoi donc ? Est-ce à cause de cette pauvre femme ? Vous sentez bien, mon enfant, que c'était un devoir. Il y a longtemps que j'ai fait abnégation. » Il me parla encore de Masséna. Le lendemain, au jour, nous arrivâmes à Béthune, petite ville laide et fortifiée, où l'on dirait que les remparts, en resserrant leur cercle, ont pressé les maisons l'une sur l'autre. Tout y était en confusion, et c'était le moment d'une alerte. Les habitants commençaient à retirer les drapeaux blancs des fenêtres et à coudre les trois couleurs dans leurs maisons. Les tambours battaient la générale. Les trompettes sonnaient à cheval, par ordre de M. le duc de Berry. Les longues charrettes picardes portaient les sangs suisses et leurs bagages. Les canons des gardes du corps courant aux remparts, les voitures des princes, les escadrons des compagnies rouges se formant, encombraient la ville. La vue des gendarmes du roi et des mousquetaires me fit oublier mon vieux compagnon de route. Je joignis ma compagnie, et je perdis dans la foule la petite charrette et ses pauvres habitants. À mon grand regret, c'était pour toujours que je les perdais. Ce fut la première fois de ma vie que je lus au fond d'un vrai cœur de soldat. Cette rencontre me révéla une nature d'homme qui m'était inconnue, et que le pays connaît mal et ne traite pas bien. Je la plaçai dès lors très haut, dans mon estime. J'ai souvent cherché depuis autour de moi quelque homme semblable à celui-là, et capable de cette abnégation de soi-même entière et insouciante. Or, durant 14 années que j'ai vécu dans l'armée, ce n'est qu'en elle, et surtout dans les rangs pauvres et dédaignés de l'infanterie, que j'ai retrouvé ces hommes de caractère antique, poussant le sentiment du devoir jusqu'à ses dernières conséquences, n'ayant ni remords de l'obéissance, ni honte de la pauvreté, simple de mœurs et de langage, fiers de la gloire du pays, et insouciants de la leur propre, s'enfermant avec plaisir dans leur obscurité, et partageant avec les malheureux le pain noir qu'ils payent de leur sang. J'ignorais longtemps ce qu'était devenu ce pauvre chef de bataillon, d'autant plus qu'il ne m'avait pas dit son nom et que je ne lui avais pas demandé. Un jour, cependant, au café, en 1823, je crois, un vieux capitaine d'infanterie de ligne à qui je le décrivis en attendant la parade me dit « Eh, par Dieu, mon cher, je l'ai connu, le pauvre diable. C'était un brave homme. Il a été descendu par un boulet à Waterloo. Il avait en effet laissé au bagage une espèce de fille folle, que nous menâmes à l'hôpital d'Amiens, en allant à l'armée de la Loire, et qui mourut, furieuse, au bout de 3 jours. « Je le crois bien, » lui dis-je, « elle n'avait plus son père nourricier. »« Ah bah, père, qu'est-ce que vous dites donc ?» ajouta-t-il d'un air qu'il voulait rendre fin et licencieux. « Je dis qu'on bat le rappel, » repris-je en sortant. « Et moi aussi, j'ai fait abnégation. » Ainsi s'achève Lorette ou le cachet rouge d'Alfred de Vigny.